Eh bien, merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour l'organisation de ce séminaire et puis pour l'invitation. Donc effectivement, je vais essayer donc de respecter le temps pour vous parler de la question du genre dans les carrières de la fonction publique et plus exactement la question du genre dans les carrières des hauts et hautes fonctionnaires de la fonction publique d'État, donc qui est un des trois versants de la fonction publique, comme vous le savez, et donc qui fera... Néanmoins, je pense écho pour partie à ce qui se passe dans les collectivités, enfin dans la fonction publique territoriale. Alors, ma présentation, elle s'appuie sur deux enquêtes collectives auxquelles j'ai participé, qui sont que je vais présenter rapidement, qui sont plus ou moins récentes ou anciennes, et qui portaient toutes les deux sur cette question du genre dans la haute fonction publique. Alors, la première enquête. Elle a été coordonnée par Catherine Marie et elle était avec trois autres collègues, Laure Bérénice, Sophie Pochic et Anne Revillard, qui est professeure de sociologie ici à Sciences Po aujourd'hui, et qui a donné lieu à la publication d'un livre qui s'appelle Le plafond de verre et l'État, qui a été publié en 2017. Donc la recherche, elle a été conduite entre 2011 et 2013. Elle a été financée par la DGAFP, puisque. Pour des éléments de contexte, en fait, au début des années 2010, on commence à avoir un constat statistique établi, hein, ça a été très long à faire, mais disons qu'au début des années 2010, la question du plafond de verre dans la fonction publique est relativement solidement établie par les chiffres, et la DGAFP lance un appel à projet, à recherche, pour essayer de comprendre ce constat du plafond de verre. Donc c'est dans le cadre de cet appel à projet qu'on a conduit cette enquête sur les logiques de production des inégalités de carrière des femmes et des hommes dans la haute fonction publique d'État, c'est-à-dire auprès des cadres supérieurs et cadres dirigeants-dirigeantes, je pourrais revenir sur cette distinction qu'on a opérée, en administration centrale et dans des services déconcentrés. Alors l'enquête, elle s'est en particulier focalisée sur deux ministères, Bercy et les ministères sociaux, et sur deux directions générales à l'intérieur de ces deux ministères ou périmètres ministériels. Et elle a été conduite par entretien biographique auprès donc de cadres. Près d'une centaine, 95 entretiens biographiques ont été réalisés auprès de deux tiers de femmes et un tiers d'hommes. Donc entretiens au cours desquels on revenait sur les trajectoires évidemment professionnelles, mais aussi un peu en amont, scolaire, familiale, des hauts et des hautes fonctionnaires. Je pourrais revenir sur d'autres éléments de contexte de cette enquête, mais à la suite donc de cette enquête, préciser que donc c'est sans Bercy et les ministères sociaux, ce qui n'était pas tout à fait le plan initial, puisque on voulait aussi enquêter en particulier à l'éducation nationale, enfin dans le ministère de l'éducation nationale. Et là, la DGAFP nous a dit plus ou moins explicitement, mais enfin, quelle idée, ça n'intéresse personne, l'éducation nationale, pour les hauts fonctionnaires. Enfin, c'est pas là où on fait carrière. Si on veut avoir un peu de crédit, il va falloir aller dans des ministères sérieux. Donc bon, on a discuté, voilà. Donc c'est comme ça que finalement l'enquête s'est concentrée sur Bercy et les ministères sociaux, alors qu'on voulait aller vers des ministères effectivement qui cumulaient un peu entre guillemets une connotation féminisée et le bas de la hiérarchie des carrières de hauts fonctionnaires. Et vous le verrez, et donc évidemment, tout ça n'étant pas neutre du point de vue du genre, on pourra y revenir. Et il se trouve que quelques années plus tard, Catherine Marie a été sollicitée par le ministère de la Culture, et en particulier Agnès Salle, qui était à l'époque la haute fonctionnaire en charge de l'égalité des sexes dans ce ministère, pour qu'on mène une enquête sur les carrières des cadres de ce ministère. Donc nous, on était évidemment très contents parce que ça rejoignait notre ambition initiale. Et donc on a pu, avec Catherine Marie et puis avec trois nouvelles collègues, Marion Charpenel, Marion de Monteil et Regina Azipetrou Andronicou, mener en 2019-2020 une enquête auprès du ministère de la fonction publique, à la fois dans les trois grandes directions générales du ministère et dans les services déconcentrés, les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, et les DAC pour les territoires outre-marins. Donc au total, on a fait là 65 entretiens biographiques, cette fois-ci à peu près autant d'hommes que de femmes, même un homme de plus. Cette enquête a donné lieu à la publication d'un livre en 2021, « Le genre des carrières, inégalités dans l'administration culturelle », publié aux presses de Sciences Po d'ailleurs. Alors les deux enquêtes, elles ont eu la même démarche, qui était donc d'étudier et de comprendre, d'établir et de comprendre les différences et les inégalités de carrière entre les femmes et les hommes, par l'analyse qualitative, par l'analyse des trajectoires des cadres rencontrés. Pourquoi on a choisi cette entrée par les trajectoires ? Eh bien, c'était justement pour aller au-delà de la question du constat statistique et surtout pour réintroduire de la dynamique dans ces constats, puisque les constats statistiques sont toujours des photos à un moment précis et ne rendent pas bien compte des dynamiques qui animent les trajectoires professionnelles. Mais l'enquête, elle avait aussi un deuxième présupposé, c'était notamment en se nourrissant de toute la littérature très riche sur genre et travail, genre et inégalité professionnelle, on voulait réencastrer ces trajectoires individuelles dans des contextes de travail spécifiques, dans des organisations professionnelles qui ont toujours chacune leurs règles, avec des variations plus ou moins grandes, leur histoire, leurs normes, etc. Et donc c'est pour ça que l'entrée qu'on a privilégiée, c'est non seulement le périmètre ministériel, mais surtout la direction générale, puisque même dans un même périmètre ministériel, les directions générales n'ont pas toujours les mêmes histoires, les mêmes traditions, les mêmes cultures professionnelles. Et donc c'était ça qui nous intéressait pour comprendre comment ces organisations professionnelles participaient à la production des inégalités. La démarche était vraiment d'essayer de voir comment c'est le travail lui-même et les organisations professionnelles elles-mêmes qui produisent les inégalités, contre l'idée généralement diffusée que finalement les organisations de travail en général, et peut-être celles de la fonction publique encore plus, ne seraient que le réceptacle passif de ce qui se passerait avant ou en dehors du travail, et en particulier une explication des inégalités de carrière qui s'arrêterait à la socialisation primaire. Les filles sont socialisées à être moins performantes, moins dans la concurrence, si elles gagnent moins c'est parce qu'elles négocient pas assez leur salaire, etc. Et d'autre part par ce qui se passe dans le couple hétérosexuel, et donc si les femmes font moins carrière, c'est parce qu'elles sont moins disponibles, mais si elles sont moins disponibles, c'est pas la faute des organisations, c'est la faute au couple hétérosexuel qui délègue aux femmes la prise en charge du travail domestique et parental. Alors on verra que ces éléments sont pas faux en soi, la question c'est comment ils opèrent, comment ils fonctionnent au sein des organisations de travail et au sein des organisations professionnelles dans la fonction publique d'État. Donc évidemment, j'ai été beaucoup plus long que prévu dans mon introduction. Donc ma présentation, elle va du coup, elle est prévue pour faire 3 points. Je pense que le 3e point, on pourra le réserver à la discussion. Mais je voudrais revenir d'abord rapidement sur la nature des inégalités dont on parle un petit peu. Insister surtout, mais justement, sur différents points de ce processus de production des inégalités dans les organisations professionnelles de la fonction publique. Et puis, donc un dernier point sur les politiques d'égalité qui étaient évoquées et sur les effets de ces politiques d'égalité, puisque les deux enquêtes qu'on a menées se sont faites dans des contextes spécifiques. La première, c'était vraiment au moment où le pouvoir politique a commencé à déployer des politiques d'égalité professionnelle pour les fonctionnaires, jusqu'au début des années 2010, il y avait quelques initiatives qui avaient été prises, mais c'était encore très timide. Ça devient plus important au début des années 2010. Donc la première enquête, on était un peu au moment de mise en débat de la légitimité de ces politiques, des formes que ces politiques allaient prendre. Et puis la deuxième enquête, donc une dizaine d'années plus tard, qui a été l'occasion là d'interroger les hauts fonctionnaires sur leur perception de cette politique et la manière dont elle pouvait être reçue, soutenue ou contestée. Voilà. Donc j'essaierai d'évoquer rapidement ce point en dernier point, mais peut-être qu'on le réservera plus pour la discussion. Alors, premier point, de quelles inégalités parle-t-on? Je ne vais pas vous assommer de chiffres et je vais essayer d'être rapide, mais quand même pour un tout petit peu poser les choses. Donc, on l'a dit, enfin, je l'ai dit, c'est depuis les années 2000 que l'administration a commencé à produire de manière plus ou moins généralisée et constante des statistiques sexuées des fonctionnaires ou des agents et agentes de la fonction publique qui ont permis d'établir le constat d'un plafond de verre. Alors, avec une petite limite qui est que j'observe en tant qu'usager, hein, je ne peux pas dire pourquoi et qu'est-ce qui se passe exactement, qu'il y a un petit recul en la matière depuis quelques années. Le rapport annuel sur l'état de la fonction publique a été amputé de 450 pages, donc il n'y a quasiment plus aucune statistique sexuée qui théoriquement était renvoyée à un bilan annuel de l'égalité dans la fonction publique qui ne contient à peu près aucun chiffre, mais qui est plutôt un document de promotion des politiques d'égalité dans la fonction publique. Donc là, on est face à quand même un problème spécifique, et puis aussi un gros problème de transparence et de continuité sur le bilan du fameux quota qui était évoqué tout à l'heure sur les primo-nominations dans un certain nombre d'emplois de la haute fonction publique. Là aussi, avec voilà, une transparence, une publication des chiffres plus ou moins erratique et une transformation, alors parce que ça s'est changé de service, c'est passé de la DGAFP à la DIEZ. Et on sent qu'à la DIEZ, ce n'est pas la priorité principale. Et donc, par exemple, là, on a quasiment plus de chiffres par ministère. Et puis, on a un petit trou dans le passage. On n'a aucun chiffre sur 2021, je crois, ou 2022. Je sais. Voilà. Donc, bon, quand même des problèmes de côté statistique. Et un autre problème, c'est par ailleurs un changement des périmètres des catégories statistiques, soit pour des raisons... Bon, de toute façon, le problème étant que ces catégories statistiques ne sont pas des catégories statistiques, ce sont des catégories RH. C'est les fichiers RH qui permettent de produire ces statistiques. Et donc, de temps en temps, on ne peut pas faire de longues séries parce que les périmètres changent. Parfois, des catégories disparaissent, d'autres apparaissent. Et puis, le périmètre des emplois qui est concerné par le quota, ce n'est pas une catégorie ni statistique ni RH initiale. Donc, il n'y a pas de chiffre sur avant l'existence de ce quota. Et puis même on a mis 2-3 ans avant de se dire tiens ça pourrait être intéressant de faire des chiffres sur ce périmètre. Donc en fait on a des chiffres que depuis 2015 et donc c'est une des limites, c'est qu'on ne peut pas vraiment savoir l'efficacité de ce dispositif puisque le périmètre qui est visé par ce dispositif, on ne connaît pas son taux de féminisation préalablement à la mise en place de l'outil, ce qui est un peu potentiellement embêtant. Alors néanmoins donc, on a quand même quelques données chiffrées. C'est connu, mais ça vaut quand même le coup de le rappeler, depuis les années 2000, les femmes sont majoritaires dans la fonction publique d'État, fonctionnaires et contractuelles comprises. Elles sont aujourd'hui 58% des effectifs, mais avec un taux variable selon les catégories. Alors, vous le savez aussi peut-être, la catégorie A, par exemple, est relativement féminisée, c'est 63% de femmes, mais c'est parce que tout le corps enseignant est dans cette catégorie, on descend sous les 50% si on enlève les femmes, par exemple. Mais surtout, en fait, même si on garde ce 63%, on a autour de 40% des A+, peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette catégorie A+, qui a un autre problème de mesure du plafond de verre, c'est que c'est pas une catégorie légale, réglementaire, c'est pas une catégorie statistique non plus stable, c'est une catégorie que la DGAFP a tenté de... pour laquelle la DGFP a fait un travail de délimitation il y a maintenant une quinzaine d'années, donc elle est relativement fixée, mais pour une raison que j'ignore, tout d'un coup, au dernier moment, on a rajouté les enseignants-chercheurs et les chercheurs, en gros, et les enseignants-chercheuses et les chercheuses, dans cette catégorie A+, puisque les critères d'appartenance à la catégorie A+, c'est un niveau de rémunération de la grille indiciaire, bon, ça, c'est pas à ce titre-là qu'on appartient à la catégorie A+, étonnamment, mais c'est aussi le fait d'appartenir à un corps qui exige le doctorat pour l'intégrer. Et en gros, bah, c'est nous, quoi. Et donc, du coup, on se retrouve à représenter, je ne sais plus, deux tiers, trois quarts des effectifs de cette catégorie A+, alors que ce n'est clairement pas nous qui sommes visés. Et aucun haut fonctionnaire ne considère que nous sommes des A+, puisque notamment, hein, ce qui fait le A+, c'est la capacité à encadrer des équipes, à diriger, ce que nous ne faisons pas, c'est bien connu. Donc 40% à peu près de femmes, 42-43% de femmes dans ces A+, nous y compris. Si on va plus loin, on se rend compte que les plus hauts postes, ceux du périmètre Sauvadé, on descend déjà à 36%. Et puis si on s'intéresse au corps et emploi à décision des gouvernements, donc les 500 emplois à peu près les plus prestigieux, rémunérateurs, etc. de la fonction publique d'État. Alors là, bizarrement, le chiffre n'existe plus depuis 2018. Ça fait partie des chiffres qui ont disparu. Mais on était en 2018 à 27% de femmes. Et encore, je ne parle pas des ambassadeurs ou des préfets qui étaient encore en dessous. Si on s'intéresse aux trois périmètres ministériels sur lesquels on a enquêté, on voit que néanmoins ces chiffres ils vont aussi cacher des grandes variations. À Bercy, alors je vais prendre le chiffre du périmètre Sauvadé, puisque c'est celui-là qu'on a pour l'année 2023, donc le chiffre le plus récent. À Bercy, c'est de toute façon historiquement un ministère qui est à la fois très féminisé, notamment par tous les personnels des impôts, hein, qui sont à des catégories B ou C très, très féminisées. En 2020, c'est plus de 70% des personnels de Bercy qui sont des femmes. Donc c'est historiquement un ministère très féminisé, mais très masculinisé dans à son sommet. À ce titre, Bercy a été l'administration qui a le plus tôt mis en place des politiques relativement proactive, qui a été labellisée dès 2011, qui a obtenu le label égalité-diversité, etc. Ce qui a permis de rendre visible, enfin de faire quelques nominations symboliques, de rendre visible quelques femmes à des postes particulièrement élevés dans l'administration de Bercy, mais on reste avec un taux de féminisation relativement faible des élites administratives à Bercy. On est par exemple donc en 2023 à 33% de femmes sur les postes de ce périmètre du quota. Dans les ministères sociaux, c'est un miroir un peu inversé. Ce sont des ministères qui sont réputés féminins par les thématiques qu'ils embrassent, mais aussi parce que ce sont des ministères avec des effectifs relativement féminisés, bien que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, moins qu'à Bercy, c'est à peu près 60% des personnels des ministères sociaux qui sont des femmes, mais des élites administratives plus féminisées à 50% en 2023 dans le périmètre des emplois du quota. Néanmoins, ce chiffre, il va aussi de 50%, il va masquer une réalité, qui est que quand on s'intéresse justement aux trajectoires, aux carrières, eh bien on observe ce que la sociologie du travail a appelé un ascenseur de verre pour les hommes. C'est quoi l'ascenseur de verre? Donc la métaphore du plafond de verre, hein, c'est l'idée qu'il y a une limitation qui est invisible mais très efficace pour empêcher les femmes de monter dans la hiérarchie professionnelle. Et l'ascenseur de verre, c'est l'inverse. C'est une accélération, ou un escalator de verre d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ascenseur, mais c'est tellement rapide que je dis ascenseur, mais dans la littérature on parle d'escalator de verre, c'est une accélération des carrières selon des mécanismes invisibles, personne ne dit les hommes on va tous les faire monter en haut de la hiérarchie, mais de fait qui fonctionnent très bien et qui en gros fait que quand on est énarque et homme en début de carrière à Bercy, dans les ministères sociaux, par contre, pardon, on est quasiment sûr en fait d'arriver très vite, très haut dans la hiérarchie des directions générales des ministères sociaux, alors que pour les femmes, la concurrence est plus rude et les parcours sont moins assurés. C'est d'ailleurs hein, parfois une stratégie assumée de certains hommes au moment du classement, enfin de la sortie de l'ENA ou aujourd'hui de l'INSP, en fonction du classement, de se dire bon ben je peux pas viser les ministères les plus prestigieux pour ma carrière, ben je vais aller voir du côté des ministères sociaux là où en gros il y a le moins de femmes et je sais que voilà puisque les discours qu'on a recueillis c'était vraiment la crainte d'une administration trop féminine et une grande valorisation des hommes a fortiori s'ils sont énarques etc. Dans ces ministères. Et puis, dernier exemple, enfin, dernier cas d'étude, le ministère de la Culture, où là, on a un ministère qui est à la fois relativement féminisé, autour de 50% de ses personnels, déclassé dans la hiérarchie ministérielle, et qui est perçu de l'extérieur et de l'intérieur comme plutôt égalitaire en raison de l'aura avant-gardiste, intellectuel de ce ministère par sa proximité avec le monde de la culture et des élites intellectuelles en général. Or, historiquement, c'est un ministère très peu favorable aux carrières des femmes, et encore en 2023, c'est seulement un tiers des postes de ce périmètre d'emploi soumis au quota qui sont occupés par des femmes. Et en plus, ce qu'on a mis en avant dans l'enquête en reprenant les trajectoires, ce dont on s'aperçoit, c'est que, c'est pas en plus, ce qui explique ça, c'est que il va y avoir principalement des femmes qui vont faire toute leur carrière au ministère de la Culture et qui vont être plafonnées dans leur trajectoire car considérées comme trop spécialistes de la culture, et je reviendrai sur cette question de la spécialité, versus des hommes qui, eux, vont commencer leur carrière en dehors du ministère de la Culture ou alors dans le secteur, dans la fonction publique d'État, ou dans le secteur privé, associatif, culturel, et qui vont intégrer le ministère de la Culture pour connaître une ascension professionnelle et une deuxième carrière dans leur trajectoire, donc après 40 ans, et donc là, qui vont, eux, être plus rapidement et plus assurément au sommet des hiérarchies professionnelles. Alors, comment on peut expliquer ces inégalités ? Qu'est-ce qui fait qu'on a ces différentes formes d'inégalités dans ces administrations, alors que, rappelons-le, même s'il y a une hausse de la part des contractuels, ce sont des postes qui sont régulés par des concours, par lesquels on entre à des concours, donc, qui sont censés être particulièrement neutres, et par des normes réglementaires qui sont tout à fait neutres d'avancement dans la carrière. Et bien justement, qu'est-ce qui fait qu'on a des inégalités ? C'est qu'au-delà de ces règles neutres, les deux enquêtes ont permis de souligner le caractère éminemment genré des différentes normes professionnelles qui se déploient pour faire carrière. Qu'est-ce qu'on attend des agents et des agentes de la fonction publique d'État pour faire carrière ? Ben, c'est un ensemble de choses qui ont des effets différenciés et défavorables aux femmes. Alors, je vais revenir maintenant sur quelques exemples pour expliquer ça. Alors, rapidement, parce que c'est peut-être un peu tarte à la crème, mais il faut quand même le rappeler. Le premier, il y a un élément qui est structurel, c'est la question des corps de la fonction publique. Les corps d'appartenance restent déterminants pour faire carrière dans la fonction publique d'État. Si on est administrateur ou administratrice civile, ou aujourd'hui administratrice d'État, eh bien, on a un avantage évident pour faire carrière que si on est attaché d'administration, par exemple. Or, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a une large sous-féminisation des corps les plus rentables pour la carrière. Il y a une lente progression de la part des femmes lauréates du concours externe de l'ENA qui aboutit à peu près au milieu des années 2000 à un tiers de femmes parmi les lauréats et lauréates. Et en fait, depuis cette époque, on est un peu bloqué à ce tiers avec quelques variations. Là aussi, un problème, c'est qu'avec le passage à l'INSP, on n'a plus de chiffres vraiment détaillés. Les rapports des jurys, notamment, ne détaillent plus du tout les différents chiffres par sexe. Et l'INSP produit par magie un chiffre aggloméré qui additionne tous les concours, le concours externe, le concours interne, le concours docteur, il n'y a plus de concours. Or, il y a un enjeu à différencier les concours parce que celui qui est le plus rentable pour la carrière, c'est le concours externe à 26, 27, 28, 29 ans. On est déjà haut et haute fonctionnaire et on a une carrière relativement assuré, avec des variations évidemment, mais relativement assuré. Or aujourd'hui, on nous donne un chiffre relativement, un chiffre global de féminisation des lauréats et lauréates, et c'est tout, pas des étapes précédentes des candidats candidates. Voilà. Mais et donc voilà, on est repassé en dessous des 40%, mais les deux dernières années, on disait oui, on est à plus de 40%, mais en fait, on savait pas le chiffre pour le concours externe. Bref, donc il y a un effet mécanique du plus grand accès des femmes au plus haut poste, qui s'appuie donc sur deux logiques. Le maintien du poids déterminant des corps, même s'il y a eu des transformations dans la fonction publique, évidemment, qu'on connaît, et que, et notamment un assouplissement d'un certain nombre de règles qui permettent de nommer des contractuels, etc. Mais bon, en dépit de tout ça, le poids des corps reste très fort. Donc les femmes sont entravées par ce poids déterminant des corps. Et deuxième point, là où je veux en venir, c'est pas forcément qu'il faut détruire les corps, c'est un autre sujet, mais je voudrais surtout pas que ce que je dis soit interprété comme ça. Par contre, la deuxième logique, c'est que la gestion de ces corps, et en particulier la réforme de ces corps, est totalement aveugle aux enjeux d'égalité femmes-hommes. Et la réforme de l'INSP, la réforme qui a conduit à la création du corps des administrateurs et administratrices de l'État, a été complètement aveugle, de manière relativement volontaire, hein. Des associations, des réseaux de femmes, de la haute fonction publique en particulier, l'ont signalé à maintes occasions. Mais on a été aveugle à ça, et par exemple, alors là aussi par magie, du coup, comme on est dans une période intermédiaire, puisque ce nouveau corps absorbe les administrateurs et administratrices civiles, mais offre l'option à d'autres corps d'intégrer ce corps ou à rester dans leur corps tant qu'il n'a pas disparu. Bref. Mais en gros, de toute façon, à la fin, ce corps des administrateurs et administratrices de l'État, il aura absorbé à peu près tous les grands corps, enfin tous les corps de la haute fonction publique les moins féminisés. Et donc comme ça, on aura créé un corps de hauts fonctionnaires qui sera à peu près au périmètre le moins féminisé possible dans la gamme de ce qui était possible, même s'il y a quelques inspections qui étaient un peu féminisées qui vont intégrer ce corps. Mais voilà, bon. Donc cette logique de corps, mon Dieu que je suis en retard, elle est très très pesante. Alors je reviens pas sur, juste dire, je pourrais développer qu'il y a aussi un effet de genre dans la contractualisation accrue des agents et agentes de la fonction publique, avec des femmes qui entrent plus souvent par la contractualisation. C'était particulièrement vrai au ministère de la Culture où cette contractualisation est ancienne, et ça pénalise les carrières à différents degrés. Un autre point qui concourt à la fabrication de ces inégalités, c'est une division genrée du travail administratif, avec d'une part des hiérarchies sectorielles que j'ai déjà évoquées. Les carrières sont plus ascendantes, plus aisées quand on est à Bercy que quand on débute à Bercy que quand on débute à la culture. Or, il y a des effets de genre dans cette sectorisation, puisque les femmes vont, y compris parfois quand elles ont l'opportunité d'aller à Bercy, vont privilégier le goût pour le social, leur passion pour la culture, ce qui n'est pas un problème en soi, hein, mais du coup, ça alimente une inégalité structurelle entre les femmes et les hommes dans les carrières. Une autre division du travail que j'ai aussi rapidement évoquée, mais qui, elle, s'est accrue au cours des années 2010, c'est la division hiérarchisée entre expertise et compétences généralistes managériales. Certes, cette dimension généraliste du haut fonctionnaire, elle est relativement ancienne, mais elle a été dotée d'une vertu nouvelle à l'occasion des réformes du New Public Management, hein, puisque donc elle a permis de faire valoir des compétences managériales aux fonctionnaires et aux hautes fonctionnaires, ce qui a accru la dévalorisation de l'expertise. Qu'est-ce que c'est la dévalorisation de l'expertise ? Évidemment, on demande aux fonctionnaires et aux hautes fonctionnaires de connaître leurs dossiers. Mais en gros, on leur demande de les connaître une fois qu'ils sont en poste et pas nécessairement préalablement. Et à l'inverse, il y a une forme de mépris pour les profils experts, c'est-à-dire monothématiques, spécialisés sur une question en particulier. Et peut-être que c'est pas toujours du mépris, mais en tout cas, c'est une dévalorisation professionnelle de cette expertise. Ce qu'il faut pour faire carrière, c'est montrer au contraire ses capacités à être un ou plus rarement une généraliste et un bon manager. Et ça, on le voit à différents degrés, notamment les femmes vont plus souvent être piégées par des postes qui ont été créés au cours des différentes réformes de la fonction publique centrale, des postes d'experts ou d'expertes de haut niveau, hein. Bon, aussi parce qu'on s'est rendu compte que quand on fusionne des administrations, c'est très bien, on limite les agents, etc. Mais on limite aussi les postes dirigeants. Et donc là, à un moment donné, on s'est dit, zut, quand même, on a des énarques, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et donc, on crée des postes d'experts de haut niveau qui sont un peu à côté de l'organigramme, qui sont au conseil d'un directeur général, etc. Donc, qui ont une certaine aura symbolique, mais qui ont aussi, à différents égards, font l'objet de dévalorisation professionnelle, et en particulier parce qu'il n'y a pas d'équipe encadrée. Alors ça, c'est vraiment ce qui atteste de la compétence managériale, c'est l'encadrement de l'équipe, hein. Nous, dans les enquêtes, on a fait une chose que vraiment nous a été très utile, c'est qu'on demandait aux personnes de nous envoyer leur CV. Et dans le CV, quand on a un haut ou une haute fonctionnaire, quand on mentionne ses postes, on mentionne le nombre de personnes encadrées, leur catégorie d'appartenance, en particulier quand c'est des catégories A, et le budget du bureau, du service qu'on a encadré. Et donc, quand on est expert, ou souvent expert de haut niveau, on n'a rien, on n'a pas de budget, on n'a pas d'agent qu'on a encadré. Donc, voilà. Donc ça, on le voit un peu dans toutes les administrations. Et au ministère de la Culture, on a vu cette question de la dévalorisation de la compétence versus la valorisation de l'aspect généraliste et ses effets genrés par la lutte professionnelle entre le corps de la conservation du patrimoine et les administrateurs et administratrices civiles. Le corps de conservation du patrimoine, c'est un des rares corps A+, qui est majoritairement féminin. Il y a plus de 50% de femmes qui sont membres de ce corps. Donc on pourrait se dire, voilà, c'est une occasion en or pour pouvoir promouvoir des femmes dans les plus hauts postes du ministère de la Culture. Bah, sauf que manque de bol, il y a aussi des énarques, hein, qui viennent viser ces postes et qui, eux et elles, ont plus d'aptitude à faire valoir leurs compétences généralistes, hein, à partir du moment où on est énarque. Sauf si on fait des mauvais choix de carrière, on est généraliste. Et les femmes, elles, qui ont fait l'école du Louvre, l'Institut national du patrimoine spécialisé en muséographie, etc., eh bien, elles vont être considérées comme trop spécialistes, trop techniciennes, et pas assez managers, et pas assez généralistes. Et donc, alors qu'on a un corps à plus, on a rencontré beaucoup de conservatrices du patrimoine qui, en fin de carrière, n'avaient pas dépassé et ne dépasseront pas le niveau chef de bureau, par exemple. Donc cette dévalorisation de l'expertise, de la technique, de la spécialisation, eh bien, elle pèse très défavorablement sur les carrières des femmes. Dernier point, je crois que je vais aborder, à la fois classique et à la fois sous un angle moins classique, en tout cas moins courant dans l'espace public, c'est la question évidemment de la conciliation. Mais la question de la conciliation, on l'a abordée, comme je le disais en introduction, du point de vue de l'organisation du travail. Qu'est-ce qu'on a observé ? On a observé en fait que les postes supérieurs et dirigeants sont marqués par une double exigence de disponibilité une double exigence de disponibilité, à la fois une disponibilité continue et une disponibilité extensive. Une disponibilité continue, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que on demande à ces hauts et ces hautes fonctionnaires d'être disponibles sur le longtemps et surtout, en fait, de ne pas manquer à cette disponibilité. Et on a vu à différentes occasions comment les manquements à cette disponibilité est perçu, mais surtout intégré et subjectivement vécu comme une défaillance professionnelle. On l'a vu de manière transversale aux hommes et aux femmes, par exemple au fait que c'est pas forcément une fierté, mais c'est une incongruité en fait de demander à ces gens s'ils prennent l'intégralité de leurs congés légaux. C'est une évidence que non. Et parfois même, c'est vécu presque comme voilà, une atteinte à leur dignité professionnelle que de leur poser la question. C'est une indignité de parler de congés maladie. Je me souviens d'un entretien avec un cadre au ministère de la Culture qui racontait une expérience professionnelle extrêmement douloureuse, qui était entre le burn-out et le harcèlement au travail. Et je lui dis, voilà, il m'explique que voilà, ça a été vraiment une période de sa carrière très, très dure, qui a duré plusieurs mois. Et je lui dis, et du coup, vous avez été en arrêt maladie ? Et il me répond non. Mais en une phrase, il me dit, ah, non, pas du tout. Et il enchaîne sans transition. D'ailleurs, c'est un vrai problème, cette question des arrêts maladie de complaisance dans la fonction publique et des médecins complaisants, etc. Et donc ça, vraiment, ça atteste de cette illégitimité de ne pas être au travail. Il n'y a aucune raison légitime de ne pas occuper son poste. Et ça, ça pèse sur les femmes parce que qui a une bonne raison de ne pas être tout le temps au travail ? Les femmes qui deviennent mères. Et ça, on l'a vu sur la question du congé maternité. C'est vraiment sur les femmes que repose la responsabilité que le congé maternité n'affecte pas l'organisation routinisée du travail. Et donc c'est à elles de se préoccuper, de faire un enfant au bon moment, évidemment pour leur carrière, parce qu'il y a un enjeu aussi de ne pas être pénalisé par ce congé maternité, mais aussi pour l'organisation de travail. Et donc, de manière idéalisée, il faut tomber enceinte, avoir un congé maternité entre deux postes, de manière à ce que le poste qu'on lâche puisse être aussitôt réaffecté et le poste qu'on va occuper soit occupé jusqu'à notre retour de congé maternité. Donc cette question de la disponibilité continue, elle va évidemment donc peser sur les femmes qui doivent gérer et qui vont subir les conséquences de si leur congé maternité porte atteinte au bon fonctionnement, au fonctionnement routinier de leur organisation de travail. Et puis évidemment, la deuxième exigence, c'est une disponibilité extensive dans le travail, le soir et souvent aussi les week-ends, notamment pour les plus hauts postes et pour le ministère de la Culture, où un certain nombre de postes exigent une activité de représentation à l'occasion d'inaugurations, de spectacles, de différentes cérémonies qui ont lieu le soir ou les week-ends. Or, évidemment, je parlais de la division genrée du travail domestique et parental. Et donc, cette division, elle rend cette disponibilité extensive moins atteignable pour la plupart des femmes, en particulier quand elles sont mères, tandis que les hommes bénéficient de manière vraiment quasi systématique du soutien d'une conjointe qui va prendre en charge, en fait, la vie domestique et parentale, et libérer donc le conjoint de cette charge qui peut s'investir dans son travail. Comme l'a dit un de nos enquêtés et expression que j'ai repris dans le titre d'un article, ils ont une femme exceptionnelle qui sait mettre en retrait ses ambitions professionnelles au service de la carrière du conjoint. Alors évidemment, certaines femmes, il y a des manières de compenser cette difficulté. Le recours à des tiers pour déléguer une partie de ces tâches. Mais en fait, ça, c'est un obstacle. D'abord, ce n'est pas accessible à toutes les femmes. Ça demande de l'argent que toutes n'ont pas en début de carrière. Et donc, en fonction de leur origine sociale et de la situation de leur conjoint, toutes n'ont pas les moyens de déléguer de manière extensive ce travail domestique et ou parental. Ça demande aussi une socialisation une habitude à cette norme de maternité qu'on retrouve dans, historiquement dans la bourgeoisie, hein, le fait de, en gros, hein, de ne pas culpabiliser, de ne pas s'occuper beaucoup de ses enfants, de ne pas nécessairement voir ses enfants tous les matins et tous les soirs, bah, sans culpabiliser, bah, c'est une norme qui est socialement située. Donc, cette délégation du travail parental en particulier, elle n'est pas accessible à toutes les femmes. Et quand même, pour celles à qui elle est accessible, elle ne règle pas tout. Parce que même pour ces femmes, eh bien, tout ne se délègue pas. Et en particulier, ce qu'on a observé, c'est la dimension éducative, l'accompagnement scolaire des enfants, qui est considéré comme relevant d'une fonction maternelle. La bonne mère dans ces milieux sociaux se préoccupe de la reproduction sociale et donc de la réussite scolaire des enfants. Et donc ces femmes, par exemple, hein, contrairement à ce qu'on peut croire, sont moins disponibles avec l'âge grandissant des enfants. Autant il n'y a aucun problème à rentrer alors que l'enfant dort tant qu'il est jusqu'en moyenne section de maternelle. Dans l'avancée de la scolarité, il faut être là pour accompagner l'enfant et en particulier être là au moment des devoirs, qui est vraiment le moment éducatif investi par ces femmes de la bourgeoisie qui considèrent que, eh bien, être une bonne mère, c'est se préoccuper de ça. Et donc évidemment, après, elles racontent comment à 21h30, 22h, elles se remettent au travail. Merci le travail connecté et tous les outils qui permettent de faire ça. Mais donc, tout ça pour dire, et je terminerai là-dessus parce que mon temps est déjà dépassé, que cette exigence de disponibilité, elle défavorise et elle pénalise beaucoup de femmes. Mais il faut la rapporter, encore une fois, à une exigence que posent les organisations professionnelles. Hein, et il n'y a pas de naturalité à ce que les normes professionnelles s'appuient sur cette exigence de disponibilité. Le monde ne s'effondrera peut-être pas le jour où les administrations, comme les grandes entreprises, régulent les horaires de travail, comme d'ailleurs c'est le cas dans un certain nombre d'autres pays qui n'ont pas ce même rapport à la présence au travail et à, enfin, sur le lieu de travail et à l'extension comme ça des horaires de travail. Je vais terminer là-dessus, on pourra discuter le reste plus tard. Merci beaucoup.